médecin, je crois que c'est unique. Y'a plus personne aux ascétiques, mais on ne comprend pas pourquoi. Y'a plus de clodos qu'autrefois, ne serait-ce pas tout simplement parce que ce brave gouvernement ne paye plus les demandeurs d'emploi en trouvant des motifs en bois. Tous ces gens n'étant plus payés, ne sont plus comptabilisés. C'est con, mais on n'y pensait pas. Les miséreux n'existent pas. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. Si c'en est, faut nous expliquer pourquoi on ne le voit pas pousser. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. D'ailleurs, ton image va changer. On va te faire en train de faucher. On vous a balancé l'euro, bien avalé, comme un cadeau. Et on s'est fait pulvériser le fond de notre porte-monnaie. Tous les commerces sans exception ont profité de la confusion pour donner un peu plus de rondeur à tous les tarifs en vigueur. Un coup de pouce supplémentaire pour renforcer le taux de misère, comme si nous n'avions pas assez de charges et taxes à payer. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. Si c'en est, faut nous expliquer pourquoi on ne le voit pas pousser. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. D'ailleurs, ton image va changer. On va te faire en train de faucher. Je ne parlerai pas du pétrole, même si je parle de bagnole, où l'on assure ta protection, bien sûr, à l'aide de ton pognon. Car ta voiture sera virée si au contrôle elle est refusée. Des contrôles bien plus rigoureux et bien plus chers, c'est le but du jeu. Et si tu t'en sors par hasard, t'inquiète, y a des milliers de radars. Mais il faut pas que ça t'énerve, c'est toi qui payes, autant que ça serve. C'est pas du bleu que tu sèmes. Si c'en est, faut nous expliquer pourquoi on ne le voit pas pousser. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. D'ailleurs, ton image va changer. On va te faire en train de faucher. Si je fais le bilan de tout ça, je crois que ça ne s'arrangera pas. La bouffe va devenir hors de prix. Les tonnes seront nos seuls abris. Les retraites seront supprimées. Et ceux des riches seront soignés. On va bosser 10 heures par jour. Et il n'y aura aucun recours. Le roi et sa cour dilapident. Et les gueux ont le ventre vide. Si les gens pouvaient se rappeler ce qu'on fête le 14 juillet. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. Si c'en est, faut nous expliquer pourquoi on ne le voit pas pousser. Marianne, Marianne, t'es plus la même. Marianne, c'est pas du bleu que tu sèmes. D'ailleurs, ton image va changer. On va te faire en train de faucher.